Planet Rap. À partir de maintenant, yeah. T'es prêt ou quoi? Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Joke passe par l'émission rap de référence. Are you ready? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Joke, c'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue à un nouveau Planet Rap. Et on débute par une joke, j'ai envie de dire, puisque voilà. On attend Joke qui n'est pas là à 19h55. Oumar, comment va? Ça va et toi, frère? Oumar qui est producteur, qui est DA, qui s'occupe de Joke et qui a repéré Joke. Voilà. On en avait parlé lors du dernier Planet Rap. Où est ton artiste, Oumar? Je sais pas. Quelles sont les dernières nouvelles? Il s'est perdu dans Paris, un bon Montpellierin qu'il est. Bah ouais, il faut rappeler qu'il vient de Montpellier, donc peut-être qu'il s'est pas perdu, mais je sais pas. Il est en retard, donc je pense qu'il va arriver d'ici quelques secondes. Bah, si vous avez croisé Joke, un petit message, allez-y, bombardez avec le hashtag Joke sur Skyrock, le 41759. Et on débute tout de suite, tiens, ça va peut-être le faire arriver avec le medley. C'est son en medley maintenant, Joke sur Skyrock. Hurry. L'émission rap de référence, Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Ce soir, Planet Rap Joke. Vénus. Pour mes échelons en tout genre, mes gagnants d'argent, mes gagnants d'argent. Right. MTV, je m'en sors, je suis une menace, man. Comme King, on te rafale. Comme King, on fait nos barbecues. Comme King, Comme King, une menace, man. Comme King, on te rafale. Comme King, on fait nos barbecues. Comme King, Planet Rap. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisais comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance c'est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. On est sur les nerfs. Tu baisses un peu le micro s'il te plaît. On est sur les nerfs. C'est les Planet Rap sur Skyrock. Fini à quatre pattes, fini à quatre pattes, fini à quatre pattes, fini à quatre pattes, BH, quatre pattes, fini à quatre pattes, BH, quatre pattes, fini à quatre pattes, BH. Adiaba était en première ligne, Adiaba était en première ligne, il s'est battu pour la France, a enlevé des vies pour la France. La mexicaine, mais je crois que je préfère l'américaine. La parisienne, la mexicaine, mais Renoir amène-moi la jamaïcaine. La parisienne, la mexicaine, n'importe quelle africaine pour des euros. Bâtard, aïe aïe aïe. L'état français nous doit une black. L'animal est enfin arrivé. L'argent, le cercle ou le placard. Les blancs, mes noirs, mes chinois veulent leur black card. Billet. Elle compte les billets, toi mitraillette. Elle fait son bif, y'a rien qui la freine. S-less comme Nadi Layem. Billet. Planet Rap. Billet. T'as pas panken, on est vite les ports. Sur la vie, mes morts. Je prends tous ces torts, tout ce qui nous revient, je vais annuler le score. Sur la vie, mes morts. Planet Rap. T'es débarrassé de moi, mon négro. Non. Réserve des pages dans ton agenda, mon négro. Non. On peut qu'on vouloir à l'humanité. J'ai plus belles images que ces bâtards en rapplique. Ok. Tous les soirs. T'es prêt ou quoi? 20h-21h. Planet Rap. En direct avec Joke sur Skyrock. Et il est arrivé, j'en étais sûr qu'il allait arriver pendant son medley. Finalement. Comment ça va, hein? Ça va au calme, hein. Et bah écoute, c'est bienvenue. SNCF. Ah. On arrive de Montpellier là directement ça le. Ah, à l'instant même. Ouais, à l'instant même. Tout droit débarqué de MTP. Ouais, MTP. Bon, comment ça se passe, Joke? Ça va tranquillement et toi? Et bah écoute bien, j'ai l'impression que ça se passe même très bien depuis la dernière fois que je t'ai reçu, parce qu'il y a évidemment l'album qui est toujours dans les bacs. Toujours. Une tournée qui se prolonge. j'ai envie de dire. Ouais, qui s'est très bien passé. D'ailleurs, t'étais là à la Cigale, quoi. C'était à la Cigale, le concert de Joke, évidemment, un gros concert. Mais est-ce que t'étais là? J'étais là, j'étais dans le fond. Ah ouais? J'étais dans le fond. T'as kiffé? Je suis arrivé après, comme d'hab, tu connais, okay, les concerts. Comme moi. Comme toi, quoi, en fait. Voilà, c'est le match retour que tu nous as fait, là, dans Planet Rap. Me venge. Et puis là, ça continue surtout, puisque dès le 13 février, c'est-à-dire dès cette semaine. On a commencé la semaine dernière, en fait. Voilà, la semaine dernière. Il y a eu deux dates. Il y a eu deux dates. Il y a eu Caen et il y a eu Istres. Est-ce que ça change beaucoup par rapport à la première partie de la tournée? Moi, je m'attendais à ce que ça change beaucoup. Finalement, c'est pas, ça n'a pas changé. Les gens sont toujours aussi chauds, tout ça. Ah, par contre, c'est vrai que les concerts de Joke, c'est un truc assez incroyable. Hein. Ouais, c'est pas mal. Moi-même, je trouve ça pas mal. C'est pas mal quand même. C'est même très, très, très bien. Ça, c'est lourd. Après, c'est pas forcément. C'est pas forcément moi qui suis lourd, mais je trouve que le public, il a une énergie assez folle. C'est un échange, hein. C'est-à-dire que si t'es mou sur scène, le public, pareil. Hein, c'est vrai. Il y a mon gars Bips aussi qui est très très fort sur scène. Qui est là, qu'on salue évidemment, de retour. Salut frère. Tu vas être oublié, négro. De là, mon négro. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis, d'ailleurs, la dernière fois que t'es venu dans Planet Rap? Il y a eu un EP qui est dispo aussi depuis quelques semaines. Ouais, il est sorti le 1er janvier de l'Oral Musique. Bonus. Ouais, en cadeau, comme ça, histoire d'eux, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti quelque chose, quoi. Téléchargement gratuit. Téléchargement gratuit sur jokemtipi.com. Ouais, sur ton site. Un 5 titres. Et c'est tout, hein. C'est tout. Je travaille de mon côté là. Je prépare le deuxième. Donc un nouveau projet pour quoi? 2015? 2015 si Dieu veut, ouais. Pas de pression, enfin, pas de date de. Pas de date. C'est que ce soit un truc incroyable. Donc. Prends mon temps. Bon, alors qu'ils ont en parlé, puis je disais la tournée, donc en effet, la tournée qui est repartie depuis la semaine dernière. Tu seras le 13 février à Nantes, le 14 à Tira fêter la Saint-Valentin à Aulnay, sous bois. Pas facile, hein. 14 février, le 19 février à Reims. Dans le 9-3. Le 21 à Magny-le-Hongre, le 27 à Mulhouse. D'ailleurs, petite parenthèse, on est complet à Aulnay. Hein. Ah bah. Le 9-3. Réponds présent. C'est la zombie. Aïe, aïe, aïe. 28 février à Metz, le 13 mars à Ris-Orangis, le 14 à Vannes, le 17 puis Saint-Vincent au festival Crazy Weekend. 21 mars, petit tour au Canada, hein, pour ceux qui nous écoutent là-bas au Canada. Ça va être très très lourd. Hein. Montréal. T'as déjà fait Montréal? Les gars là-bas, jamais. Ah, mais jamais, ça fait des années qu'on tabernacle. Tu vas voir ce qui se passe au Canada. Ouais, ça va être très sale, je sens. Ça, je pense que ça risque d'être un bon moment le 21 mars. Le 27 à Sannois, tu reviendras dans le 9-5. Le 28 mars à La Défense au festival Chorus. Le 2 avril, Savigny-le-Temple. 3 avril à Morlaix, le 5 mai à Lille. Le 29 avril à Bourges, au festival évidemment au printemps de Bourges. C'est ça. 30 mai à Toulouse. Et puis peut-être d'autres dates. Ouais, il y aura d'autres trucs pour l'été, je pense. Suivez Joke. Festival, tout ça. Et pour débuter ce Planet Rap, Joke, on y va avec Casino. Casino. Allez, c'est parti maintenant. Pour mes gars. Qui sont à l'arrière, j'arrête ton permis, nique les barrières. On veut s'en sortir maintenant, peu importe la manière. Je leur fais l'amour dans la lumière. Je vois leur chat quand je frappe ça. Je veux un trio comme 4 size. Des meufs qui se doivent quand je frappe ça. Dieu donne les sentences, mais ce que les gens pensent m'amène. Écoute la haine sur ma bouche, l'amertume sur ma bouche. Faut que je fasse les fils d'une italienne pour aider tout seul sur la route. Faut que je fasse les fils d'une italienne pour aider, mais c'est mourir par mien. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisais comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Hein? Les déroules sur le tapis vert. Les gueux. Le charisme frappe ton imaginaire. Branche en bois sur lunettes quartier. Je vais en compte avec les chiffres de l'annuaire. J'aime pas Tony Munga, c'est Franck Lucas. Ride à Monte Carlo, Alain Ducasse. Fais gagner tes copines en à peine une passe. On rend folle les petites tasses, on leur efface une case. Même si les temps changent, on garde les sentences, ma mère. Écoute la haine sur ma bouche, l'amertume sur ma bouche. Les néons explosent dans tes iris. J'irise les poils des chats de ces féministes. Tu sais que l'ancien dernier de la classe peut avoir une paye de premier ministre. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Hashtag joke sur Skyrock. Nous on veut braquer le casino. Un petit but. Nous on veut braquer le casino. Quand les décolletés se montrent, je me pose plus de questions. Je vois tes hanches, l'imagination de Luc Besson. Me fais des films, baby. Je te le dis sans pression. Ramène tes copines, ramène ta soeur, ramène ta team, baby. J'ai pas de Cadillac, je te drive comme Tom Tom. On cruise comme Tom, on cruise comme Compton. On gagne du temps, juste amène-moi où tu habites, baby. Voir la vie en rose, la vie monochromatique, baby. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Maille. Maille. Ah. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Hashtag joke sur Skyrock. Hashtag casino mon négro. Non. Je voulais que tous ces connards sachent que les temps avaient changé. On devait faire un exemple pour qu'ils comprennent que c'était fini de rigoler. Que c'était fini de rigoler. Que c'était fini de rigoler. C'est joke toute la semaine sur Skyrock entre 20 et 21. Évidemment, il y a la tournée, il y a toujours l'album aussi à Tayaba avec ce morceau Casino qu'on écoutait à l'instant. Yes. Et tu n'es pas venu les mains vides chaque soir, joke. Non, j'ai des petits cadeaux. Mmh. J'ai des petits cadeaux. Le pack Casino. Le pack Casino, c'est ça. Qui fait plaisir. Donc c'est album, vinyle, casquette à Tayaba, poster dédicacé. Et des places de concert pour aller voir. Ah oui, tu peux montrer à ceux qui nous regardent sur le Skyrock FM, sur l'appli Skyrock. Le magnifique vinyle collector d'Ateyaba. Vinyle collector, album. Les places de concert, tu veux les montrer ou pas? Non, c'est plus compliqué. Bon, une petite soirée avec mon DJ Azura, si t'es une demoiselle. Ah ouais, carrément sa place Azura directement là-dedans. Eh oui, direct dans le pack casino. c'est le pack, ok, bah c'est les filles, c'est ce qu'il vous reste à faire. Azura pour une soirée. À répondre à cette question, c'est toi qui poses la question? Joe, tu veux y aller ou tu veux que je la pose? Vas-y, je la pose. Là, je la pose maintenant. Il y a une question différente chaque soir. Ouais, on peut y aller maintenant. Ok, quel est le premier extrait de Ateyaba? Alors, attention, petit le premier extrait envoyé. Hein. Donc, on peut dire à peu près la période, c'était quoi le. Non, j'ai pas la période, mais oui. Bon, on peut dire un petit peu. Non. Bon. Les vrais vont donner la bonne réponse. Ok. Allez-y, 41-759. Balancez avec votre prénom, numéro de téléphone, si vous avez la bonne réponse pour repartir avec le pack qui comprend donc album, vinyle, la casquette à Tayaba, le poster dédicacé et la soirée avec Azura. Et deux places avant la soirée. Tu peux pas le dire. Pourquoi tu veux pas le dire? Deux places. Niveau contractuel, c'est pas. C'est moyen. Et la soirée, en effet, avec Azura après. C'est ça. Mais faut être une fille. Faut être une fille et faut pas dépasser 20 ans. Alors là, on arrive sur une pente glissante. Je ne suis pas responsable de ces propos de joke. Allez-y, balancez alors votre âge, hein, si possible aussi, au 41-759 aussi. Balancez votre prénom, numéro de téléphone avec la bonne réponse. Est-ce qu'il y en a déjà? En tout cas, tu vois, il y a des bonnes réponses. Rappelle quand même les deux places de concert quand même à gagner. Oui, avant la soirée. profitez-en. Ah, il y a pas mal de. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit piège. On peut le dire. Enfin, on pense peut-être forcément à un autre titre alors que. Franchement, on est sur les nerfs là, on s'est moqué de nous. C'est clair. 41 759, allez-y, vous balancez tous vos messages à Joke sur Skyrock. Joke, toi, la tournée, qu'est-ce qui t'a le plus surpris sur les premières dates? Sur certains morceaux, il y a eu des morceaux où tu disais ah ouais, celui-là. Ce qui m'a surpris, en fait, quand j'ai fait l'album, je l'ai pas vraiment fait pour la scène, tu vois. Donc il y a beaucoup de morceaux qui sont un peu, on va dire, assez mou, assez doux, tu vois. Plus des morceaux de chill. Et je m'attendais à galérer un peu, en fait, à les faire sur scène, des trucs comme Minace, tout ça. Et je me retrouve avec tout le public qui chante, donc c'est des trucs comme ça qui m'ont surpris. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a certains titres en particulier ou pas où tu t'es Ouais, il y a Minace, il y a New Jack City, qui m'a choqué. Après, bien sûr, On est sur les nerfs, ça m'a choqué. Bon, On est sur les nerfs, en même temps, tu devais le sentir aussi, celui-ci. Ouais, si, je le savais. Ça, c'est quand même un titre, pour le coup, sur scène, mais je pense. Mais des fois, quand même, c'est grave. Des fois, c'est grave. Ah ouais. Ouais, c'est grave, des fois. Bon, et puis, il y a la tournée aussi qui continue, donc ne loupez pas dès le 13 février du côté de Nantes. Il y a aussi un petit EP que tu as balancé début janvier. Ouais, DeLorean Music, à écouter gratuitement sur jukemtp.com. Ça, c'est quoi? C'était des morceaux que tu avais fait au moment de la Ateyaba, ou... Il y a un morceau, le premier morceau de DeLorean Music, je l'avais fait à l'époque d'Ateyaba. Je crois que c'est le deuxième morceau que j'avais enregistré, mais je l'ai pas gardé pour l'album finalement. Et après, tout le reste, je l'ai fait après. Je l'ai fait après pour le EP, en fait. Tu veux qu'on en balance un là du EP, ou tu veux qu'on... Vas-y, qu'on balance un shit, hein. On envoie Amidala. Amidala. Le feu. Le feu. Le feu, le feu. Allez, c'est parti maintenant. Joke vos messages. Alors, ah, ça y est, ça commence à venir les bonnes réponses aussi. 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone pour repartir avec le pack casino de Joke. Prod par mon galette ni frug. Aga. Aga. Aïe aïe aïe. Qui produit son prochain Kanye West. Aïe aïe aïe. Shit. Aga, aga, aga, aga, aga. Let's go. Aga, aga, aga. Aïe aïe aïe. Aga, aga. Aïe aïe aïe. Aga, aga, aga, aga. Le prince m'a genou à Midala. Quoi? Je rentre dans ton libolo à Lingala. La vie c'est une pute, négro, pime-moi là. Pime-moi là, pime-moi là, pime-moi là. Dans ma tête y'a des gens qui se baladent. Elle est en sachet, elle est inhalable. Nous on vend la trace qui te fige la face. On te fume à la chasse, on te pique ta place. File la maille avant que ta famille ramasse. Qui guérit comme elle, comme on te yamasse. Je sors mon poireau, Lady Dallas. Je tape son gros cul comme une piñata. J'ai plus de mojo que Frank Sinatra. Tu vends pas ton skud, même au prix d'achat. J'arrive dans ta gueule comme un petit crachat. T'en vas te faire sucer par un piranha. Les amis, je partout, ma keep un ami. Casse à tout, casse à la vie, c'est le mythe. Assassin, j'assassine, bout dans la bassine. Et remplis la balle, rien n'est gagné, classé. DeLorean Music dans le coup, Nathalie Baye. J'ai fait un câlin à l'animal. Que de sales joints dans le calepin. Je rentre beaucoup, je déclare rien sur les nerfs. Aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga. Aux yeux de CNN, je suis comme Tesla. Où tu comptes aller avec ces fesses là? Je suis déjà passé là où tu seras. Si tu la suces pas, sache qu'une autre puce la sucera. Horlogerie suisse à mon poignet. Pulcra à mes heures. Vaut mieux être bien calibré que mal accompagné. Quand tu m'aperçois, garde la bouche fermée, nègre. Internet va tous nous faire interner, nègre. Passe-moi ta biche, passe-moi ton blé, nègre. J'ai les couilles vides des femmes comblées, nègre. Prête à les gens, dans ta contrée, nègre. Toute sous l'air, je suis climé, nègre. Poche sous port doumé, nègre. Gros gars, moi c'est pour doubler, nègre. Osiris dans orifice auditif. Intouchable comme une serre positive. Je pisse sur vos lois, sur votre politique. Tant que j'ai toutes mes facultés cognitives. Mes ancêtres disent que l'espace est liquide. Ta descendance dit que mon organe est rigide. Ma reine, je l'attrape, je la coupe en deux. Même si elle est une et indivisible, négro. Amidala en live pendant la thé à Batour. Aga, aga, aga, aga, aga, aga. Aga, aga, aga, aga. DeLorean Music, one new. Aga, aga. Prends-en d'autres encore, s'il te plaît. Amidala à l'instant sur Skyrock avec Joke. Ça fait partie des titres inédits que tu fais sur scène aussi, celui-ci, là, sur cette tournée. C'est ça, c'est ça. Ça fait partie des nouveautés. Il y a quoi aussi? Il y a Bid 1€ qu'on fait sur scène. Grisby. Il y a Grisby qu'on fait sur scène. Et après, on va peut-être allonger la liste, on verra bien. Est-ce qu'il y a des morceaux que tu vas tester là sur cette tournée? Des morceaux pour lesquels tu es en studio Ah, c'est possible. C'est possible, c'est possible. J'ai un morceau en fait qui devait être sur DeLorean Music qu'on n'a pas mis encore. Enfin, qu'on n'a pas sorti encore. Il est quelque part dans un studio. Tu vas nous l'apporter cette semaine. Je sais pas, on verra. Mais attends, il y a plein de demandes en c'est disant quoi, vas-y. C'est quoi tes arguments? C'est quoi t'as de l'argent? C'est quoi les bails? Mes arguments, écoute, ils sont très simples. Ils sont là, regarde, sur cet écran. Et les gens qui arrêtent pas de demander, s'il te plaît, Joke, balance-nous un titre inédit cette semaine, vas-y. Donc ils veulent un nouveau shit. Bah, demande-leur, regarde. Tu veux qu'ils réagissent ou pas? Demande-leur. Ok, ceux qui veulent un nouveau shit, hashtag Joke sur Skyrock. En disant par exemple, oui, on le veut. Oui, on veut ce nouveau shit. Par exemple, hein. Par exemple. Avec le hashtag Joke sur Skyrock. On va voir ça. Au 41759. On veut un nouveau shit. Allez-y. C'est parti, 41759. On va regarder ça pendant la pub et revenir dans un instant avec Joke. On vous attend au freestyle de Planète Rap. 41759, inscription aussi pour faire tourner la roulette. C'est parti. Ladies and gentlemen, Planet Rap. T'es prêt ou quoi? Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir avec Joke sur Skyrock. Passez une bonne soirée entre 20 et 21. C'est Joke toute la semaine. Joke qui nous parle de cette tournée, la Teyaba Tour, qui reprit la semaine dernière, mais qui sera cette semaine du côté de Nantes le 13 février. Ensuite, Aulnay le 14. C'est blindé Aulnay, hein, c'est ça? Il est fini pour Aulnay. 19 février à Reims, Magny-Longre. Le 21 février, 27 à Mulhouse. 28 février à Metz. Le 13 mars à Ris-Orangis. 14 mars à Vannes. 17 mars, puis Saint-Vincent, 21 mars au Canada. C'est pour ceux qui nous écoutent là avec l'application sur Skyrock FM. 21 mars à Sannois, 28 mars à La Défense, 2 avril Savigny-le-Temple, le 3 avril à Morlaix, le 5 à Lille, le 29 à Bourges et le 30 mai à Toulouse pour l'instant. Et évidemment, d'autres dates pour suivre Joke, aller sur les réseaux sociaux comme d'hab. Qu'on est entêté là. Ah, déjà nous sommes entêtés? J'ai pas été. Tout à l'heure déjà, ça fait moins de 10 minutes, vous dormez les mecs. Omar, excuse-nous, mais tu peux nous dire, tu peux intervenir aussi puisque t'es. Et nous avons par téléphone aussi Selma qui est là. Salut Selma. Oui, salut. Tu habites où, Selma? J'habite à Montreuil dans le 93. À Montreuil, bienvenue. Aïe, Montreuil. Merci. Je te présente Joke. Oui, bah enchantée. Enchantée. Et toi, Selma, si tu nous appelles de Montreuil, c'est que tu as envoyé un message avec la bonne réponse. Oui. Joke, rappelle-nous la question pour repartir avec le pack casino. Quel était le premier extrait d'ATA? C'était Miley avec deux fers. C'est bien parce qu'il y a eu quelques doutes justement. Il y a eu pas mal de messages qui sont arrivés. Ouais, avec Major en l'air, tout avec ça. Major en l'air. Très clair. Mais non, ouais, mais non, c'est non. Donc tu repars avec l'album, le vinyle collector, la casquette à Teyaba, le poster dédicacé et Azura. Et Azura. Et attendez, j'y viens. Deux places de concert pour assister au concert de Joke. Et la petite soirée avec Azura. Oh là là. Mais attends, t'as quel âge? T'as quel âge? J'ai 16 ans. Aïe, non. Stop. Parfait, super. Tu as l'âge. Stop, il n'y aura malheureusement. Ça s'arrêtera au concert pour toi, je suis désolé, Selma. Ok, c'est pas grave. Tant pis. Et après, c'est déjà ça, c'est un truc de ouf. Et après, retour à la maison. Stop. Ok, non, mais oui, à l'heure et tout, il n'y a pas de soucis. On vérifiera que tu arrives bien à l'heure, maison d'ailleurs. Normal. Et qu'Azura n'est pas derrière toi en train de te pourchasser dans la rue. C'est bon, dans deux ans, je suis majeure, c'est bon. Ok, ou alors on prend rendez-vous dans deux ans pour la prochaine tournée. Ouais, y a pas de soucis. Et ben voilà, un premier pack casino qui part ce soir. Oh, bien. On fait des heureux. Mérité. Est-ce que t'as quelque chose, une question à poser à Joke? Vas-y, hein, Selma. Non, pas vraiment, mais juste s'il pouvait nous sortir la suite de l'EP, ça serait misto, un nouveau son cette semaine. Ah, dans tu vois, Rap, regarde. Ça serait ouais, on va. Joke, c'est Selma qui le demande, hein? Ouais. Et est-ce que tu as vu aussi les nombreux? Regarde, ça n'arrête pas. On veut un nouveau shit, on veut du shit. Attention Fred, on parle pas de la même chose, mon cousin. On veut du shit. Je t'en prie avec Benjamin, toi. Jamel. Benjamin, le message est passé en effet. Je suis très trouette. J'espère que tu passes cette semaine. Non, les gens n'arrêtent pas de demander un nouveau shit. Voilà. Donc un nouvel extrait, Joke. Ouais. Regarde Selma. Et Selma, tu vas venir à quelle date? Bah, je pense, en 93, il y a Aulnay. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est complet Aulnay. Aulnay ou La Défense? Non, ou La Défense, peut-être, Festival de Chorus le 28 mars? Ouais. On trouvera, vous garantissez qu'on trouvera, les gars. Sur un certain, elle aura ses places. Très bien. Elle sera sur les genoux d'Azura. On te fait un bisou, Selma. En tout cas, bon moi aussi, je fais plein de bisous. Ah, tu l'avais tu l'avais déjà vu, Joke, en concert ou pas encore? Non, pas du tout. J'avais raté. La dernière fois, j'avais raté. C'était, je crois, en novembre, c'était ça, ouais. J'avais raté. Bah, écoute, j'étais dégoûté. Là, tu vas pas rater sur la deuxième partie de la tournée. Ouais. c'est un truc de ouf. Ouais. Bisous, Selma. Bah, merci beaucoup, bisous. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Cool Selma à l'instant sur Skyrock qui vient de repartir avec son pack casino. Demain on en refilera un autre aussi avec album, vinyle, casquette, Ateyaba, poster dédicacé, deux places de concert et peut-être si vous avez l'âge requis hein, la soirée avec Azura. Soirée hein. DJ Azura. Avec DJ Azura. Minimum 18 ans. Hein. 41,75. C'est peur Azura, il est tellement calme en même temps, je sais pas pourquoi vous lui. Des bons ah, Azura sur Twitter, @Azura1990. Aïe aïe aïe. Et nous sommes en effet troisième entêté, voilà. Derrière à poil Gilou. Ah bon? Je sais ah ouais pas ce que c'est que ce sérieusement la France est vraiment. Ah, c'est chez les amis là, chez Hanouna, c'est dans le truc de touche pas à mon poste. C'est pas je sais pas ce qui se passe avec Gilou, mais. Mais tu sais que je m'appelle Gilles. Hein. Ah, mais oui, c'est. Ah, bah c'est peut-être pour toi alors aussi. N'hésitez pas aussi avec hashtag à poil Gilou, ça marche aussi. Non, pour joke. On balance un morceau, Nelly, quel titre? On balance New Jack City. Extrait d'Ateyaba maintenant. Je crois que c'est mon morceau préféré d'Ateyaba, celui-là. Ce que tu nous avais dit la dernière fois. Hein. Ouais. Ça n'a pas changé? Hey. Non, ça n'a pas changé. Prod par Richie. Mon héros. Cheer. Cheer. La pièce est pleine de poussées, niggas. Dites-moi s'il y a soucis, niggas. Barabim, baraboum, usi. Si ça sonne roussi, niggas. Au poignet des montres, on est reste tout paname et en veilleuse. La lune est en haut, la petite veut rider. Équipe vodka, je le vois danser. Je rappe comme personne, j'ai des mots à regarder. Renoir écrit comme sur papyrus. La team rock, ça comme les Beatles. Mets de la yeah, yo, dans tes sinus. Pour mes brigands, intelligents. Ride au school en CL600. Renoir le mot, bientôt le clip des New Jack. Les haters trouvent ça épuisant. On est à la playa comme la clinique. Yaï yaï, de 2014 à l'infini. Yaï yaï, on vend de la Marie-Dominique ou Marie-Jeanne. Tu sais que le négro n'a pas de limite. Yaï yaï, rien nous sépare. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. Si cette pétasse parle mal, je mets une tarte, je m'en bats les yeux. Où on l'ouvre que pour parler dessous. Elle ouvre, je l'attrape par les dessous. Le rap français, je les baisse eux tous. Ton coccyx ressent les secousses. Se touche même pas avec un bâton. Si sur ta chenec, t'as des repousses. Sur la pelouse, carte de golf. Carte noire et carte gold. Parfum niche pour que ces bitches raffinent et viennent et me parlent de love. Il me faut de lesbiennes comme les tatous. L'argent me fait peur, mais je suis prêt à tout pour hashtag en gagner. Comme cet enfant qui ferme les yeux parce qu'il a peur du noir. On est à la playa comme la clinique. Yaï yaï, de 2014 à l'infini. Yaï yaï, on vend de la Marie-Dominique ou Marie-Jeanne. Tu sais que le négro n'a pas de limite. Yaï yaï, rien nous sépare. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. 1 9 1 9 1 9 1 9. On est à la playa comme la clinique. Yaï yaï, de 2014 à l'infini. Yaï yaï, on vend de la Marie-Dominique ou Marie-Jeanne. Tu sais que le négro n'a pas de limite. Yaï yaï, rien nous sépare. 1 9 1 9 1 9 millimètres. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. Dédicace à mon gars Boudjou, mon négro Rabi. Mon aïe aïe aïe, au taf de BX, Régis, Carl, Bianca. Aïe aïe aïe. Yeah. LM, GMG, mon fuck. Dédicace à Connex. Nexco. Amen, Nassim. Linas. Yeah. Je te vois, nég. Dédicace à mon négro Mikey. Alekni. We made it. Nigga. Pupser. Joke sur Skyrock. MTP. Mon arroba c'est Joke MTP. J-O-K-E-M-T-P. Pat le pin. Ateyaba, ma nigga. Eh ben. Ah, il y a des messages qui arrivent. Pour Joke. C'est trop tôt pour vous les lire. continuer en tout cas. On va attendre un peu. On va attendre un petit peu, continuer à balancer avec le hashtag joke sur Skyrock. Un extrait d'Ateyaba à l'instant. Ton morceau ça préféré, tu nous disais. Ouais, New Jack, c'est mon préféré, ouais. Je l'ai fait la semaine où je devais rendre l'album, en fait. Ça s'est fait au tout dernier moment. Et quand tu le fais sur scène, pareil, tu as toujours autant de kiff dessus. Ouais, ouais. C'est un délire. Bien. En plus, tu vois, comme je te disais, c'est un morceau assez calme, tu vois. Quand tu l'entends, tu penses pas que ça va avoir un impact fort sur scène, tu vois. Mais quand je le fais, je le vis vraiment, c'est chaud. Mais c'est vrai que c'est assez fou parce que t'es connu aussi pour cet album Ateyaba avec des morceaux, en effet. Ouais, c'est assez calme. Très, c'est assez posé. Très posé, en tout cas. Et en concert, ça n'a absolument rien à voir, quoi. C'est-à-dire que c'est. Ah, ça pète beaucoup. Ça pète beaucoup en concert. Je sais pas comment ça se fait. Après, il y a des morceaux aussi des autres projets. Et puis, il y a des morceaux aussi dans ce projet-là qui soit assez violent, par exemple. Ah bah il y en a, bah voilà, on le disait, on est sur les nerfs, c'est un truc de punk qui se passe dans la salle quand on est sur les nerfs. Ça part en couille. C'est un truc de malade. Allez voir Joke justement en tournée, il est près de chez vous, ce sera du côté de Nantes le 13 février, 14 février Aulnay c'est blindé, 19 février Reims, et puis la suite des dates c'est dans un instant ou alors sur les réseaux sociaux. Pour rejoindre Joke sur Skyrock et par téléphone, je vous présente maintenant 16 de Chambéry, salut 16. Salut à tous, salut Joke, Fred. Ça va? Salut, bien. Ça va, toi? Ah, tranquille. Toi aussi, César, tu attends un nouvel extrait de Joke pour cette semaine, un nouveau shit, comme on dit. Hein? Ah, faut envoyer du lourd, là. Voilà. Tu entends, Joke? Excuse-moi, je lisais les trucs, excuse-moi. Non, il dit qu'il faut envoyer du lourd cette semaine. Il faut bien sûr, t'inquiète pas, cousin. Il veut des nouveaux shit. Voilà, il veut des nouveaux shit. Là, c'est le freestyle, là, c'est ça? Ouais, c'est voilà, freestyle par téléphone. Ok, faut envoyer du lourd. On va s'en mettre gros. 16, c'est parti. Ok. 16. Aussi 33, Chambéry. Ok. Ok, bientôt l'album. Écoute ça. T'as une entrée à la très fort. La concurrence dans le décor, t'as mon très fort. Tu es au plancher, c'est pas maintenant que tu es planché. Lynché en freestone, une fois que le mic est branché. Danger, médaille ont trop les crocs. C'est loin des amateurs pour être médaillé chez les pros. Leur single n'ont pas le niveau de nos démos. Vu qu'il fait partie de l'équipe, on a toujours le dernier mot. Toujours en première ligne, cocktail explose. Ils font nénés pour briller comme pour Ozil. En première ligue, ressens l'impact de mon pot aussi. Et qui est la team la plus active du hip-hop GC. On fait le taf, même si la jalousie est hostile. On reste dur mais sincère, mentalité. C'est pas ni trop de style. Toi MC on se fossile. Nouveau gros son pour que la concurrence s'obstine. Rêh, t'entends les couscous de mi-tight. Reconnais qui fait la GFC, qui mitraille. Gros son freestyle dans le coupé. Pareil que les jaloux se regroupent, ont-ils s'accouplé? Rien à prouver, écoute, je découpe. Ça coûte, tu coûte, dans un peu doute. Tous mes couplets, clous des bouches. Que des hits, fuck le hin, jeté depuis le pantouche. J, 16, aussi 33. Chambéry. 16 à l'instant de Chambéry en freestyle. Bravo à toi, 16. Terrible. Merci à toi. Bravo, mon pote. Eh ben écoute, bravo. Enfin. Merci. On peut te retrouver sur le net, on peut te suivre. Voilà, alors le Facebook, c'est 16 officiel, S'EZ officiel. Donc sur Facebook et sur Twitter, c'est la même, c'est S'EZ. Voilà. Et officiel. Ben on ira suivre. Merci à toi, 16. Ça marche, pas de soucis, merci à vous. Ciao, passe une bonne soirée sur bonne Skyrock. Soirée, c'est Joke toute la semaine avec cette tournée un petit peu partout dans toute la France. Vous retrouvez Joke sur scène à pas louper. Il y aura du live ce soir, Joke. Petit morceau en live. Comme c'est la semaine de casino, on va se faire un petit casino en live au calme. Un petit casino au live. Et juste avant, quel morceau on repart sur quoi? Le EP, sur Ateyaba. Je voulais mettre Amistad, mais vous avez pas la version digitale. Est-ce qu'on l'a? Ok. Non. Donc on met un morceau, on peut mettre un morceau de Lorraine. Hein. On va le récupérer, pour demain. Envoyons Grisby. Grisby? Ouais, Grisby. Oh, ça donne un grand sourire à Omar. Ça te rappelle des trucs en particulier ou quoi? Non, même pas. Non, okay. C'est lourd et Grisby, ça me parle bien ce genre de mots. Eh ben on y va maintenant sur Skyrock. C'est Grisby, c'est Joke. Produit par mon gars Ikaz. Fais ça en live pendant la Ateyaba tour, négro. Prends ta place. Hey yo négro, c'est quoi les bails? Le feu est criminel. Pharaon 89 à l'infini, mec. Skinny bitch qui en pince pour le petit néglige. Pas timide, ni glace de rose si on tire les meubles. Génie illimité, tous les négros veulent imiter l'œuvre. Les billets sont 9-9-9, élastique et 9-9. Silicone et 0-9. Qui picone pour s'occuper de ma bitch? Veux une meuf qui s'y connaît, hein. Tu sais que quand c'est moi, c'est pas pareil. La puissance du mojo dérègle les appareils. Elle a cramé la haute marpe et installée. Je peux casser le cul n'importe quelle cascadeuse. On est sur les nerfs. Nerfs, nerfs, nerfs, nerfs. On est sur les nerfs. nerf, qui lui connaît. Le renard pique les yeux, le renard pique les yeux. Détends les petits haineux, détends les petits haineux. Le renard pique les yeux, le renard pique les yeux. Le renard détend les petits haineux. Sur la vie de mémoire, sur la vie de mémoire, sur la vie de mémoire. Les tabacs pas lequel, on évite les ports. Sur la vie, sur la vie, sur la vie, sur la vie, sur la vie de mémoire. Sur la vie de mémoire. Je prends tous ces torts, tout ce qui nous revient, je vais annuler le score. Annuler le score. Sur la vie, sur la vie, sur la vie, sur la vie, sur la vie. Le négro est délicat, raffiné. Je vais te piner, pas te câliner. On rafle les tasses comme Boko Haram. On laisse l'esprit des négros abîmés. Touche pas au Grisby, Renoir, touche pas au Grisby. Le manque d'argent m'a rendu irritable. Touche pas au Grisby, Renoir, touche pas au Grisby. J'allume un négro en me fumant une gitane. J'ai une Rolex si je veux, deux, trois Rolex si je veux. Je ride en tramway négro, je ride en Solex si je veux. Je passe à 5ème Renoir, je nique l'alcotesse si je veux. Je ride avec ton loyer dans la pocket si je veux. Leur verser, non, aucune âme. Les voix du Seigneur sont pas auto, tu nabes. Comme ma bitch, elles sont un peu nétrables. Pour mes noirs du Togo, mes noirs du Sénégal. Hashtag joke sur Skyrock. Le renard pique les yeux. Détends les petits haineux. Détends les petits haineux. Le renard pique les yeux. Une spéciale pour le petit cousin Jibril. Le renard se voit. Sur la vie de mémoire. Sur la vie de mémoire. Les tabacs pas lequel, on évite les ports. Sur la vie, sur la vie, sur la vie, sur la vie, sur la vie de mémoire. Je prends tous ces torts, tout ce qui nous revient, je vais annuler le score. Sur la vie, sur la vie, sur la vie, sur la vie, sur la vie de mémoire. Dédicace à mon gars Ikaz. C'est pas encore fini, négro. 09 qui picone. 09 qui picone. Pour le reste de la semaine, les freestyles, ça va se passer sur ces prods là. Toutes les prods de Loran Music. Préparez-vous, les mecs. Une spéciale pour Gucci en direct de Fleury, bâtiment 1. On pense à toi, mon pote. Bref. Joke avec nous entre 20 et 21, ça c'est gratos en téléchargement ce morceau. Grisby, c'est ça, sur jokemtp.com. Jokemtp.com et donc MTP en effet. MTP pour ceux qui parlent pas anglais. MTP d'ailleurs, on va rappeler que c'est évidemment Montpellier. C'est Montpellier, hein. C'est ça. Ce sont les initiales de Montpellier. MTP pour ceux qui se la jouent aussi, qui ont réalisé. Jokemtp.com, allez faire un tour dessus et vous repartez avec. Il y a ces 5 titres, hein, c'est ça, inédits. 5 titres inédits dessus. Mais et c'est pas de la farce. Et tu parce qu'on les a donnés qu'on a donné. On a donné de la merde. Et tu le disais, tous les instrus pour cette semaine, pour les freestylers. Donc pour les freestylers, ceux qui par veulent téléphone. S'entraîner ou quoi par téléphone, allez prendre le EP, écoutez les prods, ça va être ces prods là qu'on va vous proposer pour freestyler. Voilà, pour tous ceux qui veulent s'inscrire aussi pour rapper avec Joke cette semaine, 41-759. Dédicace à Yael. Avec votre prénom, numéro de téléphone 41-759. Joe, qu'est-ce que tu es prêt pour nous faire un petit live maintenant ou un gros live? Vas-y, c'est parti pour Casino. Bip, celle-là aussi. Azura est au platine. On est là. Azura, t'es concentré? Si ah non, Azura, il... comme ça, là, parce Azura que... il est sur son portable en permanence. Je sais pas avec qui, mais il arrête pas d'envoyer des messages. Il est très dangereux, Azura. Ça prépare quoi, Azura, pour après l'émission? Non, il y a un truc. Allez, balance-nous du son. C'est l'heure du live dans Planète Rap. On y va. Right. Yeah. J'ai mes gars qui sont à l'arrière. J'arrête sans permis, nique les barrières. On veut s'en sortir maintenant. Peu importe la manière. Je leur fais l'amour dans la lumière. Je veux voir leur chatte quand je frappe ça. Je veux un trio comme 4 size. Des meufs qui se doivent quand je frappe ça. Je donne les sentences, mais ce que les gens pensent m'amène. Écoute la haine sur ma bouche. L'amertume sur ma bouche. Faut que je fasse les fils d'une italienne. Pour aider tout seul sur la route. Faut que je fasse les fils d'une italienne. Pour aider. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Right. Les déroules sur le tapis vert. Le charisme frappe ton imaginaire. Branche en bois sur le net quartier. Je vends avec les chiffres de l'annuaire. J'aime pas Tony Manga, c'est Franck Lucas. Monte Carlo, Alain Ducasse. Fais gagner tes copines en à peine une passe. On renfoie les petites tasses, on leur efface une case. Tu donnes les sans chance, on garde les sentences, ma main. Écoute la haine sur ma bouche. L'amertume sur ma bouche. Les néons explosent dans tes iris. J'iris les poils de chat de ces féministes. Tu sais que l'ancien dernier de la classe doit avoir une veille de premier ministre. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisons comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Hey, hashtag joke sur Skyrock. Brr, brr, brr. On veut braquer tout le gros. MTP. Quand les décolletés se montrent, je me pose plus de questions. Je vois tes hanches, l'imagination, Luc Besson. Je me fais des films, baby. Je te le dis sans pression. Ramène tes copines, ramène ta soeur, ramène ta team, baby. J'ai pas de Cadillac, je te drive comme Tom Tom. On cruise comme Tom, on cruise comme Compton. On gagne du temps, juste amène-moi où tu habites, baby. Voir la vie en rose, la vie monochromatique, baby. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Yeah. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisons comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Aïe aïe aïe. Sache que les temps avaient changé. Atea Batour. On devait faire un exemple. La suite. Qu'ils comprennent que c'était fini de rigoler. C'était yeah. Fini de rigoler. C'était hashtag joke sur Skyrock. Hashtag casino. Brr. Yeah. MTP. Joke et casino. Dédicace à Steel Nash qui a fait la prod. On vous rappelle aussi que le pack casino est à gagner chaque soir. Il faut répondre à une bonne question que Joke pose tous les soirs entre 20 et 21 dans ton Planète Rap. Cette semaine, la tournée de Joke. On fait un point sur les dates. 13 février, c'est à Nantes. Le 14 à Aulnay, le 19 à Reims, le 21 à Magny-le-Hongre. 27 à Mulhouse, le 28 février à Metz. 13 mars à Ris-Orangis. 14 mars à Vannes. 17 à Puy-Saint-Vincent, le 21 mars au Canada. Le 27 à Sannois, le 28 à La Défense. 2 avril à Savigny-le-Temple. 3 avril à Morlaix, le 5 mai à Lille, le 29 au Festival du Printemps de Bourges et le 30 mai à Toulouse. C'est en ça. Attendant. À noter que Aulnay, c'est complet. Et Aulnay, c'est complet, puis on espère que les autres dates aussi. De toute façon, c'est blindé. Hein. Je tournais, la première partie était blindée aussi. Ouais, c'était tout était complet. Grand moment, il y a eu quelques petites anecdotes, pardon, avec que ce soit avec Bibs, avec Azura en tournée. Ouais, il y en a. Est-ce qu'on peut dévoiler quelques petites anecdotes de cette tournée, Joe? Le croustillant? Un petit peu de croustillant? Croustillant, toi? Non, mais on le garde, papy. Ouais, non. Dans la semaine, on t'en enverra. Très bien. Donc, cette semaine, on pourra avoir un peu de croustillant sur ce qui s'est passé durant cette tournée. Très bien. Et on fera tourner la roulette dans un instant aussi. 41-7-5-9. Juste avant de se quitter, de faire tourner la roulette, on finit avec un dernier morceau. Dernier saut mort. Bah, tiens, choisis Bibs, vas-y. Ah, choisis. Ah, choisis French Riviera. Sinon, Oumar, t'as pas vu, c'était très discret en fait. T'as pas entendu, Oumar? Mec, s'est rapproché près de l'oreille, on a tout moi, entendu. Moi, j'ai rien entendu, j'avais le casque, après, je sais pas. Donc, c'est un bon choix quand même, non? Ouais. Très bon choix qu'on va balancer maintenant. C'est extrait de l'album Atea Ba sur Skyrock, c'est parti. Ok. Un de mes morceaux préférés aussi, produit par Richie. Ouais. Hey, I'm in the shop, nigga. Hey, right, yo. Parle à l'assistante, je rejette ton appel. Regarde toutes les mères qu'on a qu'elle. Regarde le sac à main de ce qui accompagne. Parce qu'elle a le genre de son pour les barbecues. Si t'as les narines qui brûlent, j'ai des pilules. ADN parfait dans les testicules. Chez pour nous, mes hot dogs. Les barbecues que dominer, ils se ramènent tes chaînes. On a pour des pilules, mais on prend tout notre temps. On a du champagne, de la weed pour fumer. Quoi? Montre-moi ta culotte, montre-moi tes seins. Je veux voir ça si tu m'aimes. Ramène le cognac, ramène le belle. Joke featuring Jenna Aiko. Je suis pas sûr Paris, je suis pas sûr LA ou Tokyo, je suis sûr N. Whenever I'm with you, I lose all sense of time. Quelle voix, cousin? Love is like an ocean, and baby, I am. Merde. Immersed in your Riviera. Whenever I'm with you, I lose all sense of time. Pourquoi Bruno a pas passé love ça, frère? Love is like an ocean, and baby, I am. Immersed in your Riviera. Biscarla, palabre, je parle à madame. Tu sais que le négro a trop de feu, donne du vague à l'âme. Ici c'est pas la même, vodka caramel. Tu sais que les autres négros sont pas valables. Ouais, tu te prends les choses se compliquent. Allume ton buzz, ton stick. On cherche des seufs qu'on gifle, négro. Quand on voit une bonne meuf, on suit. Regarde sur la gauche, sur la droite, poste tes seufs sur la natte. Je vais te montrer les vraies choses. Ouvre le sac, sors la goutte, sors le jack, fais couler. Nous on sniffe pas de yo-yo. Toi et moi on se retrouve sur la même planète. Tous les deux on peut boire dans la même canette. J'aime ta bouche, j'aime ta chatte, donc ramène ta lèvre. On termine demain, on reprend à zéro. Whenever I'm with you, I lose all sense of time. Love is like an ocean, and baby I am. Jenna, envoie-moi un texto, non? Immersed in your Riviera. Whenever I'm with you, I lose all sense of time. Love is like an ocean, and baby, I am immersed in your Riviera. Ça sera pour l'été prochain. Richie Zer à la prod. Jenna Aiko au refrain. Vodka Joe Kizzy au couplet. Atea Boa Negro. À l'instant, sur Skyrock, joke, et c'est vrai, que devient cette jolie jeune fille qui s'appelle Jenna Aiko, qui était avec toi sur ce morceau? Zéro nouvelle. Mais je crois qu'elle a sorti un album, elle a sorti un album il n'y a pas longtemps, non? Ouais, il n'y a pas longtemps. Ouais. Que bon, j'ai écouté, j'ai pas pu l'écouter, j'ai écouté une seule fois. Quoi. Donc elle est énervée. Mais j'ai aimé. Elle est énervée, tu l'as pas dit que son album était bon, donc faudrait... peut-être, c'est peut-être ça. C'est pour ça, ça, quoi. En même temps, t'as une nouvelle collègue hein, chez Def Jam qui vient d'arriver, qui vient d'être signée. Fanny Negesha. Mm-hmm. Je la connais pas, c'est Omar qui la connaît. Omar qui fait donc évidemment partie du label Def Jam hein, aussi. Omar, est-ce qu'il y aura peut-être un featuring avec Fanny pour Joke ou pas? Parce que on sait qu'il aime les belles femmes. Ouais. Bah, je sais pas. Je sais pas, après ça c'est aux artistes de voir entre eux, tu vois. Mm-hmm. Nous on impose rien, on les laisse. En tout cas je sais que ça ferait plaisir à pas mal de monde, c'est le shit. Ouais, c'est vrai que pour l'instant c'est pas prévu. Je sais pas, ouais, c'est pas prévu. Comment va Fanny, elle passe cette semaine ou pas? Ben Fanny, écoute, elle va bien, elle est en train de faire Koh-Lanta en Italie. Ah ben donc elle passera pas, ouais. C'est... Voilà, donc elle passera pas cette semaine. C'est dommage. Ça va, bon. Elle gagne ses épreuves. Tu l'as présenté à Joke ou pas encore? Pas encore. Ça, t'es pas plus impatient que ça, toi, Joke, non? Non, tranquille. Bon, tranquille. Non, il se canalise. On laisse ça pour Gradure. Ok. Une spéciale pour lui, d'ailleurs, le frérot. Une dédicace, ça arrive le 23 février. Ah ouais, sur son album le 23, dédicace à Gradure. 23 février, l'homme au Bob. Et là, c'est Joke avec la tournée à Teyaba. Et juste avant de se quitter pour ce soir, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la superstar US. Nicki Minaj. En concert avec ta radio préférée. La roulette qui va tourner avec Laura. Salut Laura. Salut Fred. Du côté de Nancy, ça va bien Laura? Ça va bien et toi? Je te présente Joke. Salut Joke. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va au calme. Bien ton dernier EP. Ah merci. Ah, tu l'as récupéré sur le site? Oui, bah bien sûr. Ouais, bah voilà, c'est sur le site jokemtp.com pour retrouver des sons gratos. 5 titres en plus gratos pour c'est Joke. Ça. Et pour vous, et toi tu fais tourner aussi la roulette, on y va, c'est parti. On y va. C'est avec qui m'a vu, hein. Avec qui? Avec une amie, on va crier ensemble. Avec une amie, ok. Qui s'appelle? Kelly. C'est parti les filles, on vous écoute. Ah. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben c'est fait. Ouh. Nicki Minaj en concert. Merci. Les filles, c'est 25-26 mars au Zénith de Paris. Et une des deux dates pour vous. Bah, vous allez être contente de voir Nicki. Ah bah oui, trop bien. Moi aussi j'aimerais bien. Bon, tu vas y aller, t'as des connexions de joke. Bah, je sais pas, toi t'as des connexions. Toi t'as des places. On va faire tourner la roulette alors. C'est toi ma connexion. Merci à toi Laurent, on fait un bisou aussi à ta beaucoup. Copine qui était. Ouais. C'est Kelly, c'est ça avec oui, vous. Oui, c'est Kelly, elle est au top aussi. Merci. Et bah, beaucoup, bisous les filles. Passez une bonne soirée, ouais. Ciao. Merci Joke pour cette première soirée. Merci à toi. Demain on se dit 19h50, tu seras là ? 19h50, à l'heure. À l'heure, très bien. On sera de retour avec la tournée Ateyaba qui repart, qui est repartie depuis la semaine dernière, mais 13 février à Nantes, 14 février Aulnay, 19 février Reims. Et puis la suite des dates, c'est demain entre 20 et 21. Merci Omar, merci Bips qui était là avec nous. Pas de soucis. DJ Azura toujours avec son portable et toujours greffé à son portable. Il prépare ce qui se passe à partir de 21h. Bien joué, gars. Et on se retrouve demain un petit peu avant 20h pour la suite de ce Planète Rap consacré à Joke. Dis Fool. Oui. Est-ce que tu es là? Oui. Bah oui. Oui, si, dis oui, forcément. Je t'entends, je t'entends. Oh, Marie qui punchline ce soir. Ah, bah là, Marie, elle est très en forme, Marie. Bah ouais, j'ai récupéré, tout va bien. C'est bien, Marie, ça fait plaisir. Marie, il y a Joke qui est là, tu sais. Oui, je sais, je l'ai aperçu en passant. Ça salut, va, Joke. Ouais, ça va, merci. Il y avait eu un début de truc entre les deux, là. Vous étiez rencontrés un peu. Un début de truc. Ah bon? Non, mais. Que je suis passé, je me suis fait vanner par, j'ai oublié comment il s'appelle, par Romano, non? Oui. Ah bah ouais, il y a de fortes chances. Parce qu'il a dit qu'on faisait la même taille ou un truc comme ça. Mais... Oh là! Ah, il t'avait sorti ça, oh le ouais, petit con. Il en a profité. Ouais, c'est ça, ouais. Tu pourras en profiter toute la semaine, Joke, t'inquiète. Je viendrai me venger. Tu peux venir te venger quand tu veux. Joke en direct sur Skyrock, donc demain, juste avant 20h, ça démarre, c'est Planète Rap, et à 21h, et jusqu'à 21h, et à 21h, c'est et nous. Et c'est vous. Et c'est nous, et ouais. C'est Oti Genesis pour démarrer cette soirée. Grosse I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. C'est le son qu'on va écouter tout de suite là, pour démarrer, bien sûr. C'est parti. Et puis après, attention, c'est parti. Ouais, avec vous en direct dès maintenant. 01 53 40 30 20, on vous attend. Joke, le roi des blagues, on nous dit. Très beau message, oui. Du Syrien. C'était simple, celle-ci. Oui, je l'ai fait tout à l'heure. En plus. Copyright Fredo, alors, ouais. Hein, le Syrien. On a vu ton message. Bon, beau message sur le 41759, sur l'appli Skyrock et sur tous les réseaux de Skyrock. Vous profitez. Jusqu'à minuit, on est là. Si vous voulez passer dans l'émission, pareil. 01 53 40 30 20. Tombez sur la Marie, sur Cédric, ouais. Sur Samy, ouais. Sur Karim. Et puis toute l'équipe arrive. C'est parti. Joke, à demain. Fredo, à demain. Et nous tous, et bah les autres, à tout de suite. Et ouais, bisous. Avec Côté Genesis pour démarrer la soirée. I'm in love with the coco. Ciao. 500 euros tous les matins sur Sky.